Tu veux Benji? Chanson. Un cœur. cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut. À nous prier, garçon. Pour aller au bout de la terre. Salut, Laurent. Dans le soleil ou sous l'orage, peut-être bien que vous pensez que nous avons bien du courage pour un signe rasé à courir le long. c'est dur ce truc. À mon commandement. Thank you. Et pas me coller sur ce putain de... Thank you. Jean Capou. Je vais arrêter la batterie parce que c'est le gros bordel. Je savais que tu m'attendais. que de ton côté. Tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu? Thank you. secours. Allô, secours. Il y a un enfant là-bas. Oui. Oui. Là, j'ai fait une version plus aiguë, hein. Salut Eric. Check. Initial. Chanson, c'est pas gentil. Ah, que. Ah, coucou. Ouais, en troisième. Oh, Thank you. pouvoir remplacer.